Pour Marie, elle relève ça. Ce n'est pas pour toi. Je suis têtu comme jamais, j'abandonnerai jamais, c'est sûr je lâche pas. Au début nous étions beaucoup, à la fin je serai seul. Je sais comment ça se passe dans la vie, chacun y voit son intérêt, t'étonne pas. Je serai leur meilleur poteau si je connais le succès. Si j'échoue, ils attendront le prochain qui va me succéder. Je suis venu seul au monde, je partirai tout seul. Personne viendra avec toi même dans le plus beau linceul. Je finirai tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul, oui. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Tu finiras tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul, oui. Mieux vaut être seul que mal accompagné. On m'a dit Yaro laisse tomber. Va plutôt charbonner. Si tu veux j'ai un kilo ou deux à t'avancer. Menotté devant la maman, on connaît. Les soucis, on connaît. Ta réussite, personne ne va te la donner. Crois que je fais semblant. Pose tes mêmes sous la neige. Toute l'année, les mêmes embrouillasses, pétards pour la merde. Tu connais pas la vie que j'ai. Contente-toi de la vie que t'as. Bah oui, je mets sur le temps, pas la vitesse. En tout cas, je lâche pas. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Tu finiras tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul, oui. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Je finirai tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul, oui. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Tu finiras tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul, oui. Mieux vaut être seul que mal accompagné.